Bonsoir, frère de lumière. Je voudrais vous poser cette question suivante. Comment fonctionnent les mémoires énergie qui nous entourent? Nous constatons que c'est une question qui te préoccupe beaucoup. Vous en avez beaucoup débattu tout à l'heure. Ils me disent, toute énergie a une mémoire. Ils me disent, les êtres humains parfois s'appesantissent trop sur ce qui les entoure. Ils cherchent désespérément des réponses à leurs questionnements. Mais parfois, ce questionnement leur ferme une porte ou un accès à une autre compréhension ou à une autre conscience. Nous comprenons vraiment ta préoccupation. Mais nous ne pouvons pas y répondre d'une façon concrète. Nous sommes désolés pour toi, mais nous te disons ceci. Même si nous te répondions d'une façon concrète, tu chercherais encore et encore. Et la réponse que nous pourrions te donner ne te conviendrait de toute façon pas. Nous aimerions te dire ceci, tu as beaucoup de possibilités, beaucoup de capacités en toi. Ramène ces possibilités, ces capacités à des niveaux différents. Tout est mémoire dans l'univers. Il y a la mémoire des cellules, il y a la mémoire de l'âme, il y a la mémoire de tout ce qui a pu être vécu. Il y a la mémoire des lieux, il y a la mémoire de la planète, il y a la mémoire de l'univers. Que faisons-nous de toutes ces mémoires et où pouvoir se situer par rapport à toutes ces mémoires? La pensée elle-même est une mémoire. Alors, nous allons simplement te dire, essaie d'oublier tout cela. Tu ne le feras pas, nous le savons. Tu te cogneras encore la tête contre les murs parce que tu es têtu. Mais tu es en train d'enfoncer des portes ouvertes parce que ni nous, ni personne, nous ne pourrons te donner de réponse convenable à ta question. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est que nous n'avons pas la réponse qui pourrait te convenir et que nous jugeons que cela n'est pas forcément évolutif. Nous aimerions aussi vous dire qu'il n'y a pas de temps à perdre, qu'il faut que vous viviez pleinement l'instant présent, sans vous poser des questions et des questions qui n'auront de toute façon que des réponses partielles ou aucune réponse. Mettez toute votre énergie à votre propre transformation. C'est ce qui vous est demandé. Et nous vous disons à très bientôt.